إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui, on va commencer le cours numéro 17 dans l'explication de l'aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Hier, on a parlé des sahaba, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de leur respect, c'est-à-dire le respect qu'on leur doit, et l'égarement des gens qui les insultent et qui parlent en mal d'eux, etc. Donc aujourd'hui, on parle maintenant des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on explique le respect qu'on leur doit également. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il explique sa aqida et il explique, il clarifie sa position à ce sujet-là en disant « وَأَتَرَضَّى عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطَهَرَاتِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ » Et également je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit satisfait des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celles qu'on appelle « أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ » c'est-à-dire les mères des croyants. Al-Mutahharat, c'est-à-dire celles qui ont été purifiées de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Le cheikh, il explique, non, le cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, wa cheikh, rahimahullah, yataradda an ummahat al-mu'minin, zawjat al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fahunna ummahat al-mu'minin fil qadri wal-ihtiram, la fil nasab. ولكن في القدر والإجلال والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين في القدر لا في النسب ما كان محمد أباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني في النسب لأن هذا رد على الذين يقولون إن زيد بن حارثة ابن للرسول صلى الله عليه وسلم والله نفى هذا ولكن ليس معنى هذا أنه ليس أبا لهم في القدر والإجلال قال تعالى وأزواجه أمهاتهم يعني وفي قراءة وهو أب لهم يعني في القدر والإجلال الشيخ explique que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit satisfait des mères des croyants c'est-à-dire les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elles sont des mères pour les croyants dans le respect qu'on leur doit et non pas dans les liens de parenté parce qu'elles n'ont aucun lien de parenté avec nous sauf que dans le respect qu'on leur doit elles ont le respect des mères pour nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son côté c'est comme le respect d'un père qu'on lui doit hein. Donc il est comme un père pour les croyants dans le respect qu'on lui doit et non pas dans les liens de parenté parce que Allah dit dans le verset 40 dans sourate Al-Ahzab que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun d'entre vos hommes. C'est-à-dire, dans les liens de parenté, il n'a pas d'enfant mâle, yani. Il n'a que des filles. Donc, il n'est pas le père d'aucun d'entre les hommes. Et ça, c'est pour répondre à ceux qui disaient, que Zayd ibn Haritha était le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils du messager. Donc, Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié ça par la suite, hein. Il a interdit qu'on attribue à quelqu'un un fils alors que ce n'est pas réellement son père. Et le cheikh il dit que Allah donc a nié ça et ça ne veut pas dire toutefois qu'il n'est pas notre père dans le respect qu'on lui doit c'est-à-dire qu'on lui doit le respect comme on doit à le respect, comme on doit le respect à son père, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa azwajuhu ummahatuhum dans le verset 6 dans sourate Al-Ahzab, et ses épouses sont leurs mères, et dans une des lectures qui est rapportée selon Ubay ibn Ka'ab wa ibn Abbas wa Mujahid et Ikrima et Qatada et Al-Hasan dans Ad-Durr al-Mansur de l'imam al-Suyuti, il mentionne qu'il y a une lecture qui dit « Wahuwa abun lahum » et c'est un père pour eux, c'est-à-dire dans le respect qu'on lui doit et dans l'honneur qu'on lui doit, etc. وأما إنهن أمهات المؤمنين فهذا بنص القرآن الذي يقرأ إلى يوم القيامة وأزواجه أمهاتهم بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الجنة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. Donc en ce qui concerne les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est mentionné dans le texte du Coran qu'on lit jusqu'au jour de la résurrection que ses épouses sont nos mères. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à personne d'entre, à aucun d'entre les hommes, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les épouser. Parce que ce sont ses épouses dans le paradis. Et dans le verset 53, dans surat Al-Ahzab, on retrouve la mention de ce point. Barakallahu fik. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Donc ça c'est la fin du verset que dans lequel le cheikh il mentionne ce point là. Après il dit فهن محرمات على الأمة لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام وكفى بذلك فضلا لهن لأنهن حملنا من العلم والشرع وبلغنا الأمة وحملناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهن الفضل ولهن الإجلال رضي الله عنهن جميعا. Le cheikh dit qu'elles sont interdites donc pour la umma, parce que ce sont les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la dunya et dans l'akhirah, que la paix et le salut soient sur lui. Après le cheikh dit وَكَفَى بِذَلِكَ فَضْلًا لَهُمْ, et ça c'est suffisant comme mérite pour elles, parce qu'elles ont porté cette religion et elles ont transmis cette révélation et cette religion à la Ummah. Elles l'ont pris directement du messager sallallahu alayhi wa sallam. On sait que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont transmis de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'ils ont entendu et tout ce qu'ils ont vu de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tandis que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient accès à des connaissances de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres sahaba ne pouvaient pas connaître des aspects de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la vie familiale, en ce qui concerne les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il était à l'intérieur de sa maison. Donc, elles transmettaient ça également aux sahaba, la connaissance de ce qu'elles avaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'elles apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de chez elles. Et eh bien, elle l'enseignait également aux Sahaba et elle leur expliquait des aspects de la religion que certains des Sahaba ne pouvaient pas connaître puisqu'ils ne voyaient pas le Prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon aussi proche que les épouses du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'une des femmes les plus savantes de l'islam et une des plus grandes savantes de l'islam, c'était Aïcha radiallahu anha, c'est elle une des plus grandes savantes. Un des plus grands parmi les savants de l'islam, c'est Aïcha radiallahu anha, et il y en a d'autres aussi parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient des savantes et qui rapportaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit aussi donc qu'elles ont un grand mérite à cause de ça, et donc on doit être, avoir du respect pour elles, et on demande que Allah soit satisfait de chacune d'entre elles. والذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في النبي يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم الذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام فالذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها وهم الشيعة هؤلاء يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول يحبها ويحب أباها ولها مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم مرض عندها وتوفي بين سحرها ونحرها وكان رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام وفضلها عظيم لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه ونزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في فراشها ولها فضائل عظيمة. donc le cheikh il dit que ceux qui attaquent et qui critiquent ou qui, disons qui attaquent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les insultent ou qui disent des choses contre elles ils attaquent en même temps le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui attaquent Aisha radiallahu anha comme les Shia Rafida par exemple eux ils insultent Aisha radiallahu anha et ils parlent contre elle ils l'attaquent ceux-là en réalité ils attaquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il aimait Aisha radiallahu anha et il aimait également son père, il aimait le père d'Aisha radiallahu anha qui est Abu Bakr al-Siddiq, c'était son plus proche ami, c'était la personne qui était la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa femme préférée c'était Aisha radiallahu anha. Donc elle avait une place d'importance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est tombé malade, il demandait la permission à ses épouses pour pouvoir rester dans la maison d'Aïcha radiallahu anha en particulier. C'était sa plus jeune épouse et c'était la seule parmi toutes ses épouses qu'il a épousée et qui était vierge. Toutes les autres, elles étaient des veuves ou des femmes divorcées. D'accord ? Donc, elle était sa plus jeune femme et celle qu'il a épousée, vierge. C'était la seule. Et il est mort sur elle. Donc, lorsqu'il est décédé, elle le tenait sur lui. Donc, ça c'est des exemples qui montrent le mérite qu'elle a et la proximité, comment elle était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, des révélations étaient révélées alors qu'il était allongé sur son lit. Qu'il était allongé sur le lit d'Aïcha radiallahu anha ou bien qu'il était sur son lit et les révélations étaient descendues. Le cheikh il dit donc qu'elle a beaucoup de mérite. فالشيعة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها هؤلاء لا شك أنهم بذلك يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذونه فمن آذى عائشة رضي الله عنها فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم والله أنزل براءتها مما اتهمت به من المنافقين في حادث الإفك أولئك مبرؤون مما يقولون قال جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة خائنة في فراشها فإذا طعن فيها فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وإذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في الله جل وعلا وهذا كفر كفر أكبر. لشيخ الزكري شيعة سأكي أتاك عائشة رضي الله عنها أكي قالكم فألك كل سلت ceux-là, il n'y a pas de doute qu'ils attaquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'offensent. Parce que quiconque offense Aisha radiallahu anha, alors il a offensé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre l'innocence de Aisha radiallahu anha contre ce que les hypocrites l'avaient accusé lors de quand c'est arrivé l'affaire de Al-Ifk, qu'est-ce qu'on appelle Al-Ifk. Al-Ifk, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti dans un voyage ou une expédition et puis Aisha radiallahu anha était restée derrière parce qu'elle avait oublié un bracelet à elle. Et étant donné qu'elle était légère, elle était très légère, les gens ne s'étaient pas aperçus qu'elle n'était plus dans sa monture, hein, parce qu'elle voyageait sur un chameau, mais sur le chameau, on mettait comme une sorte de petite boîte en bois, ou quelque chose avec puis il y a des rideaux autour. Donc, personne ne pouvait voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand ils l'ont soulevée pour la mettre sur le chameau, ils n'ont pas senti qu'elle n'était pas là parce qu'elle pesait pas, elle n'était pas lourde. Donc, ils n'ont pas remarqué qu'elle n'était pas là. Et, ils sont partis. Donc, Aïcha radiallahu anha, elle a cherché son bracelet et elle a vu par la suite que les gens étaient partis. Mais quand les gens partent en expédition, il y a toujours un suiveur, c'est-à-dire quelqu'un qui reste derrière, qui vérifie qu'on n'a rien perdu, puis que tout est là. Donc lui, il est arrivé par la suite et il a remarqué qu'il y avait Aïcha radiallahu anha qui était là en train de dormir. Et il a dit, j'ai reconnu que c'était Aïcha radiallahu anha parce que je la voyais avant l'ordre du hijab. Il a reconnu son visage. Et quand elle l'a vu, ce sahabi, tout de suite elle a couvert son visage. Hein? Et donc il l'a ramené vers le reste de la caravane avec elle. Donc là, il y a des munafiqines qui ont commencé à inventer des histoires, et commencé à inventer des faussetés au sujet de Aïcha radiallahu anha, qui l'ont accusé d'avoir fait des choses haram. Alors, c'est là que ça a fait beaucoup de problèmes et beaucoup de fitna. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son innocence dans la révélation du Coran. Donc, le shaykh, il dit, quiconque accuse Aïcha radiallahu anha après ça, donc ça veut dire qu'il a mécru. Il a mécru. Il mentionne le verset 26 dans Sourate An-Nur. Oui, il y a encore des rafidins qui accusent Aïcha radiallahu anha de toutes sortes de choses haram et qui l'insultent et des choses de ce genre. Donc ça, bien entendu, ça fait partie de l'hypocrisie des rafidins. Le cheikh, il mentionne donc le verset Oulaïka مبرؤون مما يقولون. Mais le verset c'est ça. Le cheikh il dit donc que les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même que les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là c'est ça. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Et un pardon et une récompense. Et ils ont un pardon et une récompense généreuse. C'est ça le verset. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Donc ça c'est la suite. Donc ça c'est verset 26 dans sourate Al-Nur. Et ça explique que donc Aïcha radiallahu anha elle était innocente de ce que les munafiqines avaient inventé à son sujet. Et il ne convient pas, le cheikh il dit, il ne convient pas que Allah subhanahu wa ta'ala choisisse pour son prophète une épouse qui le trahit dans son lit. Ou bien il y en a des choses de ce genre. Donc si on accuse Aïcha radiallahu anha, c'est comme si indirectement on est en train d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on attaque Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est kufr, et c'est une forme de kufr majeur. Le cheikh il dit donc, il dit « وَالَّذِينَ يُبَرِّئُونَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّا اتَّهَمَهَا بِهِ الْمُنَافِقُونَ هَؤُلَاءِ كُفَّارٌ وَالَّذِينَ لَا يُبَرِّئُونَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّا اتَّهَمَهَا بِهِ الْمُنَافِقُونَ هَؤُلَاءِ كُفَّارٌ لأنهم مكذبون لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وقبلها مريم ابنة عمران اتهمها اليهود لعنهم الله فبرأها الله مما قالوا فالشيعة فيهم شبه من اليهود من عدة وجوه وهذا أقبحها. الشيخ في دونك ceux qui n'ont pas innocenté Aïcha radiallahu anha de ce que les munafiqines l'avaient accusé, alors ceux-là sont des kuffars parce qu'ils démentent Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et ils démentent également le consensus des musulmans. Et avant elle, c'est-à-dire avant Aïcha, radiallahu anha, il y avait les juifs qui ont accusé Maryam, la mère de Isa alayhi salam. Ils l'avaient accusé d'avoir commis un acte de turpitude parce qu'elle avait eu un enfant sans avoir de père et sans être mariée. Donc ils l'ont accusé à cause de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté. Hein. Donc il y a, le cheikh il dit donc il y a une ressemblance entre les chiites et les juifs dans plusieurs points de vue, et ça c'est un des plus laids d'entre ces points de vue-là. Et c'est vrai en fait, il y a des ulama qui ont écrit des livres pour expliquer les liens qu'il y a entre les rafidats et les juifs. Et il y a beaucoup de ressemblances entre les deux, entre la religion des rafidats, chiites, et la religion des juifs. Le cheikh il dit ensuite, وأقر بك وأقر بكرامات الأولياء وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات. Ça c'est les paroles de de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit je reconnais les karamat, les prodiges que font les awliya, que font les gens qui sont des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je reconnais également ce qu'ils font comme, ou ce qu'ils ont comme mukashafat, c'est-à-dire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de voir ou de comprendre. On va lire l'explication de ça, inshallah. Le Cheikh al-Fawzani l'explique, il dit, وَلَمَّا فَرِغَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِمَّا يَجِبُ لِلرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَّا يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ وَمَا يَجِبُ لِأَهْلِ بَيْتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ انْتَقَلَ إِلَى بَيَانِ الْاعْتِقَادِ فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ والكرامات جمع كرامة وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجري خارقا للعادة يكون من الله ويكون من الله جل وعلا ولا دخل للبشر فيه إن جرى على يد نبي فهو معجزة مثل تكثير الطعام وتقليل بين تكثير الطعام القليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أصابعه وأعظم من ذلك نزول القرآن وهو المعجزة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بصورة منه وعصا موسى ويد موسى والآيات التسع التي أعطاها الله لموسى عليه الصلاة والسلام وما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وهذه معجزات وما أعطيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثير من المعجزات كثير جدا. Le Cheikh il dit donc que lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a terminé d'expliquer ce qui est obligatoire de notre part envers le prophète صلى الله عليه وسلم comme respect et comme croyance, de même que qu'est-ce qui est obligatoire de respect envers les Sahaba et envers ses épouses, alors il se dirige vers un autre sujet où il rentre dans une autre question en ce qui concerne sa croyance en ce qu'on appelle les karamat des awliya, des hommes pieux et des hommes saints qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut commencer tout de suite à lire l'explication. Premièrement, le cheikh il explique que le mot karamat, c'est le pluriel de karama. Et karama, on peut le traduire, si on veut, comme étant quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort de l'ordre naturel des choses. D'accord? Donc, lorsque quelque chose se produit qui sort de l'ordre naturel des choses, et ça veut dire que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas dans le contrôle d'un être humain. C'est pas quelque chose qu'un être humain fait à volonté ou selon sa propre décision ou son propre contrôle. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait que ça se produit de la part de quelqu'un parmi les êtres humains sans que lui-même n'ait aucun contrôle sur cette chose-là qui se produit de sa part. C'est comme un genre de prodige. Et si ça se passe si ça se produit de la part d'un prophète, on appelle ça un miracle. Si ça se produit de la part d'un prophète, on appelle ça une mu'jiza, ou bien un miracle. Maintenant, le cheikh il donne des exemples, comme par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait peu de nourriture devant lui, il faisait que cette nourriture-là soit multipliée. Donc ça, c'est un exemple de miracle de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même que également, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup d'eau ou pas beaucoup de comme du lait ou des choses comme ça, eh ben, on voyait que l'eau sortait entre ses doigts. Hein, et il, parfois, il a nourri plusieurs personnes justement en faisant sortir du lait entre ses doigts. Donc ça, c'est des exemples de miracles également. Le lait et parfois de l'eau aussi. Hein. Et plus grand encore que ça comme miracle, il y a la révélation du Coran. Le Coran, c'est le plus grand miracle qui a été donné au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce miracle-là, par ce miracle, Allah subhanahu wa ta'ala a défié les djinns et les hommes de ramener une sourate pareille ou comparable et le défi reste jusqu'à la fin des temps, hein, d'essayer de ramener quelque chose de semblable au Coran. Et bien entendu, ils ne seront pas capables. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné dans le Coran, il a dit فَإِلْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا. Et si vous ne le faites pas, et vous n'allez jamais le faire, c'est-à-dire que vous n'allez pas être capable de le faire, de ramener quelque chose semblable au Coran. Donc, ça c'est des exemples des miracles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a les exemples de Moussa alayhi salam et les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire. Le bâton qu'il avait. Il avait un bâton que quand il le lançait par terre, le bâton se transformait en serpent. Hein. Et il avait le miracle, par exemple, que Allah lui a donné, c'est qu'il entrait sa main dans son manteau et quand il la sortait, elle était éclatante et brillante. Et quand il la rentrait à l'intérieur, encore une fois, elle redevenait normale. Il avait d'autres miracles aussi, d'autres signes. Parmi les signes qu'il a eu, c'est les 9 signes, les 9 plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Hein. Tout le monde, on a entendu parler de ça. Il y avait le fait que, par exemple, il y avait des... Celle que je me souviens, il y avait les sauterelles, Al-Jarad, il y avait le sang, l'eau qui est devenue la couleur du sang, il y avait les grenouilles. Vous savez qu'il y avait je pense qu'il y en a une que c'était les premiers-nés des enfants qui mouraient. Oui, il y avait les enfants. Oui, c'est ça, ils avaient plein donc de choses qui leur arrivaient. Et puis, ça c'était des signes que Allah subhanahu wa ta'ala avait révélés. Et puis, ils ont demandé à Moussa alayhi salam de faire arrêter ça. Et ils ont dit, si tu fais arrêter tout ça, on va croire en toi et on va accepter qu'est-ce que tu dis. Et il a fait cesser tout ça, et quand il l'a fait cesser, ils ont refusé de croire en lui quand même. Donc ça c'est pour montrer que c'est des gens qui refusaient d'accepter la vérité malgré qu'ils le savaient très bien. Et ensuite il y avait c'est exactement. Non, justement, les koufars, exactement, Saint Thomas, hein, les chrétiens appellent ça Saint Thomas, il faut qu'il voit pour croire. Donc il y a beaucoup de gens comme ça, mais en fait, c'est beaucoup de gens, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils demandaient au prophète de venir avec un miracle, hein, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-nous un miracle. Fais-nous telle ou telle affaire pour qu'on sache que qu'est-ce que tu dis c'est vrai. Et les juifs, même parfois, ils venaient et ils disaient au prophète, on va croire en toi, mais à condition que tu nous fasses telle chose, que tu nous amènes telle chose. Et le prophète, il répondait, vous avez reçu des prophètes, hein, Allah lui disait de répondre, vous avez reçu des prophètes qui ramenaient des signes que vous avez demandé et vous n'avez pas cru en eux. Hein. Alors c'est des excuses qu'ils cherchent. Hein. Exactement. On va le mentionner juste maintenant. Mais il y a les exemples comme s'ils demandaient au prophète de faire venir des preuves ou des signes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, même si on faisait, c'est-à-dire parler les morts, même si on leur donnait plein de signes comme ça, des exemples, ils ne croiraient pas. Hein. Donc, et non, à chaque fois, lorsqu'on leur ramenait les preuves, ils disaient, ah, ça c'est de la magie, ou c'est de la sorcellerie, ou des choses comme ça, oui, ou c'est un magicien. Donc, ça c'est des exemples. Ensuite, le cheikh il dit, alaykoum salam, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas aucun problème. Hein? Donc, ensuite, le cheikh il dit, وما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. C'est-à-dire également les miracles que Isa alayhi salam a fait, comme par exemple de faire vivre les morts. Il a fait revivre un mort, et il a également donné la vue à quelqu'un qui était un aveugle né, et il guérissait aussi les lépreux. Tout ça, c'est des miracles que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire. الشيخ يقول هذه معجزات وما أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات كثير جدا. Donc ça c'est des miracles. Et qu'est-ce que notre prophète صلى الله عليه وسلم a reçu également comme miracle? Tout ça, il y en a beaucoup comme ça. أما إن جرت الخارقة على يد عبد صالح وليس نبيا فهي كرامة من الله جل وعلا مثل الذي جرى لمريم لما كانت معتزلة عن في مكان ومتخذة حجابا دون الناس يأتيها رزقها وهي في مكانها كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي تصلي فيه كلما دخل عليها زكريا مصلاها وهو المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. L'exemple, il dit que, on a vu ce que c'est les miracles qui sont donnés aux prophètes et aux messagers. Mais quand quelque chose qui sort de l'ordre naturel des choses, hein, quelque chose qui est extraordinaire, se produit de la part d'un homme pieux ou d'une femme pieuse, et qui ne sont pas des prophètes, eh bien dans ce cas-là, on n'appelle pas ça un miracle, on appelle ça une karama en arabe, c'est-à-dire un prodige ou quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et ça peut se produire de la part de quelqu'un qui est pieux, hein, quelqu'un qui n'est pas nécessairement un prophète, mais quelqu'un qui est pieux et quelqu'un qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suit la voie du prophète, qui suit la voie du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il donne l'exemple aussi des karamats qui se sont produits de la part des gens qui étaient pieux avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Maryam, hein, la mère de Isa alayhi salam. Elle a eu plusieurs miracles de ce genre, ou plusieurs karamats, ok? Du fait que, par exemple, quand elle a accouché, elle s'est écartée et elle s'en est allée dans un endroit isolé, hein, pour que les gens ne la voient pas, et puis elle a accouché à cet endroit-là, et sa subsistance lui venait, hein, à l'endroit où elle était. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait son risque, sa nourriture, à cet endroit-là, sans même qu'elle ait à se déplacer, ça lui apparaissait. Et même lorsqu'elle allait prier dans une musalla, une place qu'elle avait pour prier, hein, et bien à cet endroit-là, il y avait toujours de la nourriture qui était près d'elle. Dans le verset 37, dans Surat Al-Imran, c'est-à-dire chaque fois que Zakaria entrait pour dans la maison, et la pièce où elle priait, il la trouvait avec de la nourriture ou quelque chose à manger près d'elle. Et donc, Zakaria lui disait, d'où est-ce que tu as trouvé ce risque ou cette nourriture? Et elle disait, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me l'a donné. Ça vient d'Allah. Il donne la subsistance à qui il veut, sans calculer. Donc c'est pour dire que ça fait partie des karamats aussi. Du fait que quelqu'un trouve sa nourriture comme ça qui apparaît devant lui, sans qu'il ait besoin d'aller la chercher. Voilà, le cheikh il va mentionner ça, il va mentionner des exemples dans qu'est-ce qu'on va mentionner tout de suite après. الشيخ يقول ومثل الذي جرى لأصحاب الكهف من الكرامات لأنهم مؤمنون تبرؤوا من دين المشركين وخرجوا من البلد وأووا إلى غار فرارا بدينهم فالله ضرب عليهم النوم سنين طويلة حتى زادت شعورهم وأظافرهم أو أظفارهم وهم يتقلبون من جنب إلى جنب ومضت عليهم سنون كثيرة وهم لم يتغيروا وهم في نومهم وهذا من كرامات الأولياء الشيخ يقول également les compagnons de la caverne comme on a dans la sourate Al-Kahf okay ils sont des croyants et ils se sont désavoués de la religion des idolâtres et ils sont sortis de la ville ils sont allés se réfugier dans une caverne et ils ont fait ça pour s'enfuir pour garder leur croyance en Allah seul et en l'unique, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait dormir pendant plusieurs années. Hein, donc ils ont dormi pendant plusieurs années, et pendant ce temps-là, leurs cheveux et leurs ongles continuaient à pousser, hein, et ils se tournaient, Allah subhanahu wa ta'ala les faisait tourner d'un côté et de l'autre, et donc ils sont restés comme ça pendant des années et des années et ils n'ont pas changé c'est-à-dire ils sont pas morts, ils sont restés dans leur sommeil et ça fait partie des karamat des awliya. Combien de temps Allahu a'lam وازدادوا تسعة إنهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة donc environ 309 ans donc ils sont tels quels ils sont pas avec leurs vêtements et tout et puis leurs cheveux qui sont poussés puis leurs ongles et tout mais non leurs ongles qui poussaient et leurs cheveux qui poussaient et leurs barbes oui très longs oui non donc c'est mentionné les détails de ça c'est mentionné dans sourate Al-Kahf si vous voulez savoir les détails mais c'est juste pour vous dire que ça fait partie des exemples parce que c'était pas des prophètes sauf que c'est des hommes pieux des jeunes qui étaient pieux qui voulaient protéger leur foi et leur religion et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette karama ce genre de karama en fait karama ça donne le sens aussi de l'honneur donc Allah subhanahu wa ta'ala il permet à quelqu'un de faire ça c'est pour en même temps pour lui faire une sorte d'honneur aussi ok et le cheikh il dit le cheikh l'islam ibn Taymiyyah كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهو كتاب نفيس جدا في هذا الباب الشيخ الذكر الإمام ابن تيمية il a écrit un livre à ce sujet là et ça s'appelle la distinction entre les alliés de Ar-Rahman c'est-à-dire d'Allah et les alliés du Shaytan parce que il y a les أولياء d'Allah il y a les أولياء du Shaytan Et il y en a beaucoup parmi les hommes qui ne font pas la distinction entre les deux. Et ils pensent que toute personne qui fait quelque chose qui sort de l'ordre naturel des choses, ils s'imaginent automatiquement que c'est une karama, peu importe de qui cette chose-là se produit. Et ils ne font pas de distinction entre les alliés du shaitan et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce livre-là de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Al-Furqan, Bayna Awliya Ar-Rahman ou Awliya Ash-Shaytan, c'est un livre comme le cheikh il dit c'est un très bon livre et un livre très important dans ce sujet là qui clarifie très bien la question et qui réfute les gens qui ont exagéré ou dévié dans cette question là donc le cheikh il dit أما إذا جرى الخارق على يد كافر أو على يد ساحر فهذا ليس كرامة وإنما هذا خارق شيطاني فالساحر قد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويدخل النار ولا تحرقه وهذا عمل شيطاني ليس بكرامة وهو ابتلاء وامتحان فنحن نؤمن بكرامات الأولياء وأنها منحة من الله وقال أهل العلم كرامة الأولياء معجزة للأنبياء لأنهم ما حصلوا على هذه الكرامات إلا باتباعهم للأنبياء فهي كرامة للأولياء ومعجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام طرفان ووسط le cheikh il dit donc il faut distinguer entre les choses qui se produisent de la part des kuffars ou de la part des sorciers ça c'est pas des karamates, ça c'est pas des karamates, pas des prodiges, ça qu'est-ce qu'ils font, c'est plutôt des ruses du shaitan qu'ils font, ok, ils font des tours de magie, de sorcellerie, des choses comme ça, pour tromper les gens, hein, et pour les manipuler par la suite, donc ça c'est des sorciers, vous pouvez les voir par exemple qui volent dans les airs ou qui marchent sur l'eau des fois, et ça, ça veut pas dire qu'ils sont des awliya. Il y a des gens qui pensent que automatiquement que quelqu'un fait quelque chose qui est hors de l'ordinaire ou qui sort de l'ordre naturel des choses, que ça veut dire qu'il est automatiquement un wali d'Allah, un allié ou un rapproché d'Allah. Et ça, c'est pas du tout vrai. Et c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est au contraire de voir sa croyance et ses actions. Puis par la suite, si tu vois que la personne fait des choses comme ça, et puis qu'elle respecte les règles de l'islam et qu'elle n'en fait pas comme une attraction ou bien un spectacle pour attirer les gens ou pour faire de l'argent avec ça, là tu vois que c'est vraiment un wali ou c'est quelqu'un qui est vraiment sur le droit chemin. Il y en a qui font de ça comme si c'était une attraction, puis qu'ils utilisent ça pour faire de l'argent, ou bien qui s'imaginent que c'est un privilège qu'ils ont, donc ils veulent attirer des gens comme ça. Ça, c'est des sorciers, des magiciens, des gens malhonnêtes, hein? Ouais, c'est ça. Donc, si tu les vois, par exemple, des fois, ils disent qu'ils peuvent rentrer dans le feu, puis ça les brûle pas, hein? Ou bien qu'ils font des trucs comme ça. Il y en a parmi les soufis, beaucoup de ces catégories-là, les soufis. Et il y en a, tu les vois, par exemple, parmi les turcs soufis, hein? Ils vont prendre des tiges de métal, puis ils vont faire traverser leur joue. À travers leurs joues, ils rentrent une tige, ils la font sortir de l'autre côté, et puis il n'y a pas de sang qui sort, ou bien ils vont prendre une tige, ils vont la rentrer dans leur ventre, ils la font sortir de l'autre côté, et ils montrent aux gens comme si, regardez, ça c'est des saints, ou c'est des hommes pieux, ça c'est la preuve que ce sont des hommes pieux, ils se rentrent des tiges de métal dans le ventre, ou dans la tête, ou quelque part, et puis ils pensent que ça c'est la preuve qu'ils sont des hommes pieux et des choses de ce genre. Donc tout ça c'est des mensonges, Yanni, et ça c'est des trucs et des ruses du shaitan que ces gens-là utilisent pour tromper les gens qui n'ont pas de connaissances. Donc ça c'est vraiment important de faire la distinction entre les awliya d'Allah qui font des karamat et les shayatin, al-ins, wal-jin qui font des ruses avec la sorcellerie et des choses de ce genre pour tromper les gens. Donc le shaykh il dit... Donc nous, on croit qu'il y a des awliya qui peuvent avoir des karamates, et ça c'est un don, ou des choses que Allah leur donne, et les savants ont expliqué que les karamates, c'est des miracles pour les prophètes, et des karamates pour les hommes pieux. Dans le sens que, pourquoi ils ont fait ces karamates-là? Parce qu'ils ont suivi les prophètes. Ils ont suivi l'exemple de leurs prophètes. Donc, étant donné qu'ils ont suivi l'exemple de leurs prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce genre de karamat-là. Et c'est considéré comme c'est des miracles qui reviennent aux prophètes. Hein? Vous comprenez donc, comme le cheikh dit karamat ou l'awliya, mu'jizatun lil anbiya. Ok? Et donc c'est comme pour confirmer la véracité du message du prophète. Que Allah donne des karamat à ces gens-là parce qu'ils ont suivi correctement leur prophète. D'accord? Et il dit ensuite, que ce sont les gens par rapport aux karamat, par rapport aux prodiges, sont divisés en trois catégories. Il y a deux positions qui sont à l'extrême, puis il y a une position qui est dans le juste milieu. Et il explique c'est quoi ces exemples-là. Il explique. Il dit At-taraf al-awwal, man yunkiru al-karamat, wa hum al-mu'tazila, yunkiruna al-karamat al-awliya, wa yaquluna laysa hunaka karamat, wa la khawariq. لأنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على الأدلة فينكرون الكرامات. Donc le premier extrême c'est l'extrême des Mu'tazila et eux ils nient les karamats. Ils disent il n'y a pas de karamat du tout. Eux ils comprennent uniquement les choses soi-disant selon la science et les preuves logiques et rationnelles et scientifiques. Tout ce qui est en dehors des preuves scientifiques et des cinq sens ils le rejettent. Hein? Ils ne croient pas qu'il y a autre chose. Hein, comme nous disent les gens qui ont l'esprit cartésien, hein, ils veulent rien comprendre en dehors de ce qui dépasse la raison, d'accord? Donc c'est des exemples de ces gens-là. Donc ils nient tout ce qui est, comme on dit, surnaturel ou qu'est-ce qui est pas, qui sort de l'ordinaire. Ils disent non, il n'y en a pas de karamat. tout ça, c'est pas vrai. Nous, on se base juste sur notre raison et non pas les preuves de la révélation. Donc, ils nient les karamates, c'est les Mu'tazila. Il y en a beaucoup de gens comme ça à notre époque qui suivent cette voie-là. الطرف الثاني لا دوزيام اكستريم سي فريق غلا في اثبات الكرامات حتى عدوا مخاريق السحره والكهنه والصوفيه كرامات وهي خوارق شيطانيه وليست كرامات وهؤلاء غلوا في اثبات الكرامات حتى اعتقدوا ان كل شيء يخالف العاده فهو كرامه ولو كان جرى على يد ساحر او كاهن ومشرك فيقولون هذه كرامة ولهذا يعبدون القبور ويقولون إن صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وكذا ويطلبون منه المدد وهذا غلو في أصحاب الكرامات. Donc il y a une autre position extrême aussi, c'est la position des gens qui ont exagéré dans l'affirmation des karamat au point de considérer que ce que font les choses qui sont pas normales, parmi les choses qui sont hors de l'ordinaire, hors de l'ordre naturel des choses, parmi ce que font les sorciers ou les médiums ou les soufis, ils considèrent que ça c'est des karamates. Alors que ce sont des ruses du shaitan et que ce ne sont pas des karamates. Ceux-là, ils ont exagéré dans l'affirmation des karamates et ils ont cru que tout ce qui est hors de l'ordinaire, c'est une karama. Même si ça se passe de la, même si c'est un sorcier qui le fait, ou un voyant, ou un médium, ou un sorcier, ou un mushrik, un idolâtre, ils disent ça c'est les karamates. Et donc, ça c'est pour ça qu'ils tombent dans l'adoration des tombes parfois. Ils tombent dans l'idolâtrie et dans l'adoration des tombes, parce qu'ils disent, la personne qui est enterrée dans cette tombe-là, durant sa vie, elle a eu des karamates, donc nous on va aller lui, à sa tombe et on va l'adorer, on va l'implorer, on va faire le tawaf autour, ou bien on va sacrifier des offrandes pour cette personne qui est dans sa tombe pour en échange avoir des faveurs ou des dons, ou bien avoir une guérison ou avoir un enfant ou avoir de l'argent ou des choses de ce genre. Ils pensent que ces êtres enterrés là peuvent les aider dans ces choses-là et ils pensent que s'ils faisaient des karamates, donc c'est comme si ils pensent que c'est dans leur contrôle. Et que c'est eux qui peuvent décider qu'ils font des karamates, même après leur mort, ils vont à leur tombe pour demander ça. Donc ça c'est un autre extrême. Mais justement, le chef il mentionne ça justement, c'est qu'il y a des karamates, il y a des karamates qui sont faites, mais ça c'est uniquement par les hommes pieux et les gens, les hommes pieux et les gens qui sont des gens qui suivent le droit chemin puis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand c'est des gens qui sont en dehors de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui font de la sorcellerie ou des trucs de ce genre ou qui appellent à la mécréance, on n'appelle pas ça des karamates, on appelle ça des ruses du shaitan ou des choses de ce genre. Et l'exemple du Dajjal, c'est le meilleur exemple. Parce que le Dajjal, il va venir à son époque et il va faire toutes sortes de choses vraiment. Il y a beaucoup de gens qui vont le suivre à cause de ça. Il va faire même trancher un homme en deux et il va le recoller puis la personne va vivre. Hein? Ça c'est de la sorcellerie. Là. Ça c'est de la sorcellerie qu'il va faire. Yani, c'est vrai que ce sera des choses qu'il va faire. Allah va lui donner des pouvoirs, mais sauf que c'est des ruses parce qu'il les utilise pour tromper les gens et les amener dans le shirk, dans le kufr, dans la mécréance. D'accord, tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit la sorcellerie ou que ce soit la magie ou autre chose, ça se produit uniquement par la permission d'Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah." C'est-à-dire, ils ne peuvent nuire personne par la sorcellerie ou par la magie, excepté par la permission d'Allah. Donc, on a expliqué qu'il y a l'irada al-kawniya ou l'irada al-shar'iya, la volonté qui est la volonté dans la création, quand Allah décide que quelque chose est créé, il dit soit et c'est, tout ce qu'il veut, ça se produit dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut se produire dans l'univers, excepté ça, que ce soit selon sa volonté. C'est lui qui permet que ça existe. Donc, si le Dajjal va exister, ou le Shaitan, ou les choses mauvaises, ou le sihr, la magie, ou autre chose, tout ça, ça se produit par la volonté d'Allah. Et le but de ça, c'est pour tester les hommes. Hein? Mais dans la révélation, on a la preuve que ces choses-là sont interdites et que ces choses-là sont détestées d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne nous permet pas de les faire. Et que ceux qui les font, ces choses-là, sont des kuffars et qu'ils méritent l'enfer et qu'ils vont être dans l'enfer pour l'éternité. Donc, on a la preuve dans la révélation d'Allah que Allah n'aime pas ces choses-là et qu'il ne veut pas qu'on les fasse. Ça, c'est dans l'irada al-shar'iyya, dans la volonté d'Allah, dans sa révélation qu'il nous a fait connaître par l'intermédiaire de ses messagers. Donc, si ces choses-là vont se produire de la part des shayatins ou des diables humains ou des hommes comme les dajjal, les égarés qui appellent à l'égarement, on n'appelle pas ça des karamas. Et peu importe ce que les sorciers aujourd'hui font pour égarer les hommes, c'est rien à côté de ce que le dajjal va faire. Le dajjal, il fait des choses incroyables. Il arrive dans les champs et il dit aux gens, est-ce que vous croyez en moi ou est-ce que vous me suivez? Ceux qui le suivent, il fait que leurs champs deviennent pleins de récoltes et verts et remplis de verdure et de fruits et de légumes et tout. Et quand il arrive quelque part, et si les gens refusent de croire en lui, il fait que leur terre devient sèche, hein, comme un désert. Hein. Donc, il a un feu avec lui, son feu c'est un paradis. Il a un paradis avec lui, son paradis c'est un feu. Donc, il trompe beaucoup de gens. Il fait des choses que les gens ne peuvent pas faire, hein, le Dajjal. Quand le Dajjal va arriver, ça va être pire encore, ça va être plus difficile, hein, que ça. Ouais, à cette époque-là, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que il ne va pas rentrer à la Mecque et à Médine. Mais ceux parmi eux qui sont mauvais, ils vont sortir de la Mecque et la Médine pour aller le rejoindre. Lui, il peut pas rentrer, mais ceux-là, ils peuvent sortir, hein. Donc, a'oudoubillah. Donc, c'est pour vous dire. Yani, là, c'est sûr. Déjà, maintenant, on le voit avec les signes qui sont dans le Coran, dans la Sunna, on peut reconnaître des signes de nifaq et d'hypocrisie. Mais là, ça va être encore plus clair, comme tu le dis, hein. Exactement. Donc le cheikh il dit ensuite الثالث أهل السنة والجماعة فيتوسطون ويثبتون الكرامات الصحيحة أما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذه ليست كرامات وإنما هي الشيطنة وابتلاء وامتحان فقد يطير الساحر في الهوى ويمشي على الماء ويحصل له أشياء ولكن هذا يفعل بفعل الشياطين وقد يخبر عن أشياء غائبة لأن الشياطين تخبره إذا هو عبدهم وخضع لهم خدموه ويعني ربنا استمع ربنا استمتع بعضنا ببعض استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فإذا تقرب الإنس إلى الجن خضع لهم وخدموه وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنس فيظن الجاهل أن هذه كرامة وهي ليست كرامة وإنما هي شيطنة فيجب التنبه لهذا في أمور فالكرامات لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا وإنما يفصل فيها فيكون الإنسان على بصيرة. Le Cheikh il dit comme troisième exemple, il y a la position de Ahlus Sunnah wal Jama'ah qui est la position entre les extrêmes. C'est-à-dire qu'on affirme les karamat qui sont réels, qui sont vrais, qui sont faits de la part des hommes pieux, hein, ou des femmes pieuses, mais les khawariq, des diables, les shayatins, les choses anormales que les diables font, les shayatins font, ça on dit que ce ne sont pas des karamat, ce sont des ruses du shaitan et ce sont des épreuves et des tests de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux voir un homme qui, un sorcier qui vole dans les airs ou bien qui marche sur l'eau et qui fait toutes sortes de choses bizarres, et ben il fait ça avec l'aide des diables. Et c'est les diables et les djinns qui l'informe de certaines choses cachées. Hein, comme vous voyez par exemple les médiums ou les voyants, les gens qui te disent « ouais, tu vas avoir telle chose, tu vas avoir telle chose » et des choses de ce genre, ça c'est les diables qui leur informent de certaines choses qui pourraient se produire. Hein. Mais c'est pas eux-mêmes qui ont la connaissance de ces choses-là. Donc ils font ça avec l'aide du shaitan. Et le shaitan, c'est les diables qui les informent. Mais ils ne leur donnent pas, les diables ne leur donnent pas des informations gratuitement. Les diables leur donnent des informations en échange de certains actes de sacrilège, des actes de blasphème ou de mécréance. Exact. Donc il y a un échange, il y a des informations qui sont données, mais en échange de sacrilège ou des actes de blasphème hein, et de mécréance. Et c'est comme ça que, comme le cheikh il mentionne le verset 127 dans Surat Al-An'am, hein, qui mentionne qu'au jour de la résurrection, les gens vont dire, nous avons profité les uns des autres, hein, les djinns et les hommes. Les hommes, ils ont profité des djinns et les djinns ont profité des hommes et nous avons atteint aujourd'hui le terme que tu nous avais prédéterminé. Donc ça veut dire que au jour de la résurrection, ils admettent qu'il y a des djinns qui ont servi les hommes, puis il y a des hommes qui se sont servis des djinns pour faire des choses de ce genre. Et donc, il y a des hommes qui essaient de se rapprocher des djinns, hein, et il y a des djinns, donc il dit « تقرب الإنس إلى الجن وخضع لهم خدموه » Donc quand l'être humain, il fait des actes d'adoration ou des actes de sacrilège envers pour les djinns, les djinns le servent en échange de ça. Et les djinns sont capables de faire des choses que les êtres humains ne sont pas capables de faire. Donc la personne qui n'a pas de connaissance, ils vont voir que ces hommes-là sont en train de faire des choses qui sont vraiment extraordinaires et surnaturelles. Donc ils s'imaginent que ça c'est des miracles, que c'est des karamas, que c'est des gens qui ont des miracles, des choses de ce genre. Alors que non, ce sont des ruses du shaitan, ce ne sont pas des miracles. Et donc il faut faire attention à ces choses-là, parce que, donc le cheikh dit donc, en conclusion, on ne doit pas affirmer complètement les karamas de façon absolue, sans aucune restriction, puis on ne doit pas non plus les nier de façon absolue. Il faut détailler et clarifier et observer réellement la situation. Et donc, quelqu'un doit avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance de ces choses-là avant de dire ça c'est une karama ou ça c'est pas une karama. D'accord? Il faut bien faire attention. Et وقوله وما لهم من المكاشفات يعني الفراسة يعني الله سبحانه وتعالى يعطي الله بعض المؤمنين فراسة يتفرس فيها الأشياء وتحصل كما تفرسها. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit, et je crois également en ce qu'ils ont comme mukashafat, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, à certaines personnes, il leur donne, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-farasa, c'est-à-dire une certaine intuition. Ils sont capables d'avoir certaines intuitions de certaines choses, ou de se douter, ou d'avoir des intuitions que certaines choses vont se produire, et puis ça se produit comme ils avaient eu cette intuition-là. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver à certaines personnes que Allah peut donner. Des intuitions, yani, comme intuition, c'est comme si tu dis, j'ai l'intuition que telle chose va se produire. Comme par exemple, non, intuition. Oui, tu le sens, tu flaires qu'il y a quelque chose qui va se produire ou quelque chose qui va se passer ou bien, yani, tu penses que telle personne, une personne, il y en a que... Donc il faut faire attention des fois aussi, parce que des fois c'est des suspicions, il faut aussi faire attention entre les suspicions puis les intuitions. Parce que, ouais, l'intuition, bon. Il y a la part de Omar ibn Khattab quand il était en train de faire une khutbah, il a dit Ya Sariyat al-Jabal. C'est-à-dire, il était très loin, puis il y a des gens qui étaient. En train de partir pour une expédition militaire, et puis derrière la montagne il y avait l'armée. Et Omar ibn Khattab il était loin, puis il a crié, hein, pendant qu'il était en train de faire un discours, il a dit « Faites attention à la montagne !» Et les autres ont entendu ça, malgré qu'il était très très loin. Donc ils ont dit ça c'est un exemple de karama, qui est arrivé à Omar ibn al-Khattab. Donc c'est pour ça. Des choses comme ça, c'est il y a des karamates, il y a des comment on appelle une farasa qui peuvent être données à certains croyants. C'est pas grave, c'est pas grave. On en reparlera. Non. Ok. Le cheikh il dit. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. L'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab dit oui, c'est vrai, je reconnais qu'il y a des karamats de la part des awliya et qu'ils ont des mukashafat, sauf que sauf que ils ne méritent aucun des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et je ne leur demande, on n'a pas le droit de leur demander et je ne leur demande pas ce que personne sauf Allah est capable de donner. Dans le sens que même s'ils ont des karamats et même s'ils sont des awliya, on n'a pas le droit de leur demander quoi que ce soit et de les adorer en dehors d'Allah, parce que ça c'est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il a expliqué, bon, il n'a pas expliqué les détails de l'awliya, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que pour les soufis, le mot wali, le mot awliya, ça a une autre signification que pour les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pour les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, un wali, c'est un bon musulman. Un musulman qui craint Allah et qui croit en lui. Ça, c'est un wali en islam. T'as pas besoin d'avoir des miracles, ou de faire des prodiges, ou de prédire l'avenir, ou des choses de ce genre, ou de prétendre connaître des choses particulières, ou d'être infaillible, ou parfait, ou de pas faire de péché. Ça, c'est chez les soufis, ils pensent comme ça. Et les chiites aussi, pour leurs imams, ils leur donnent l'infaillibilité et la connaissance de toutes choses. Ils croient que pour être un wali, pour être un imam, il faut avoir ces qualités-là. Et même pour les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dit non. Allah il dit dans le Coran, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Certes, les rapprochés d'Allah ou les alliés d'Allah, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas attristés, ce sont ceux qui ont cru et qui ont eu la crainte. Et qui ont eu la crainte d'Allah. Donc ceux-là, ce sont des mu'minins, ce sont des awliya. Tous les musulmans sont des awliya, à des degrés différents selon leur niveau de foi, leur niveau de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que, pour les soufis, non, ça c'est pas suffisant. Il faut que tu fasses des karamats, il faut que tu fasses des miracles, il faut que tu aies la connaissance de l'invisible, il faut que tu aies le contrôle sur l'univers, il faut que tu aies des pouvoirs spéciaux et surnaturels, sinon ils ne te considèrent pas comme un wali. Et ça c'est l'exagération et l'extrémisme et l'égarement de la part des soufis. Non. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Il y a beaucoup de versets comme ça aussi. Exactement. وأوليهم أوليهم الطاغوت. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Exactement. Puis il y a aussi le verset الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. Donc il y a beaucoup de versets comme ça. Et après, il dit, فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Donc c'est pour dire qu'il y a des awliya du shaytan, il y a les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi, donc, il y a Hizbullah, puis il y a le Hizb du shaytan, le parti d'Allah et le parti du shaytan. Donc le cheikh il explique, il dit, وَقَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّنَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا. هذا احتراز من المؤلف رحمه الله، وهو رد على الذين يغلون في أصحاب الكرامات ويعبدون الأولياء والصالحين دون الله، يقولون لهم كرامات، وكما عليه القبوريون الذين يتقربون إلى الأموات ويعتقدون في بعض الأحياء أنه وصل إلى درجة يستطيع فيها أن ينصرهم أو يعطيهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله، بناء على أن له كرامات. فيقولون إن له كرامات وهذا دليل على أنه ينفع ويضر. C'est comme Tariq Ramadan dans une de ses cassettes, il disait, oh, il y a un cheikh, tu vas le voir, il met sa main sur ta poitrine et il sait que tu as eu des problèmes à la maison, que ça va s'arranger, qu'il n'y a pas de problème. Donc ça c'est des exemples de il sait que tu n'as pas fait la prière le matin, quand il te regarde, il te voit, il dit, ah, il sait que tu as fait ça. Et il y a plein d'exemples de, il y a plein d'exemples de ces histoires-là dans les livres des soufis. C'est vrai. Il y a même, comme je disais l'autre fois, il y a des exemples dans les Tabaqat al-Awliya de Al-Shahrani. Il explique qu'il y a des soufis qui se tenaient dans la rue et qu'ils voyaient des gens, ils les frappaient parce que soi-disant ils disaient, ah, ils ont fait des péchés, donc ils les frappaient comme ça dans la rue. Et il y en a une histoire qui est rapportée selon, qui est rapportée dans les livres de Tijaniyin. Ils disent que Ahmed Tijan, quand il s'assoyait avec ses élèves, tous ses élèves avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils pensaient que Ahmed Tijan connaissait tout ce qu'ils faisaient et tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, et donc ils avaient peur de se faire démasquer devant tout le monde en public, que Ahmed Tijan dise aux autres qu'est-ce qu'ils font de péché. Donc il dit, lorsqu'on était en présence de notre chef, on avait tous peur, hein, qu'il nous démasque ou qu'il nous dévoile. Et il y a plein d'exemples de ce genre comme ça dans les livres des soufis. Et ils mettent cette croyance-là dans le cœur de leurs mourides, dans le cœur des gens qui les suivent, pour contrôler toutes les pensées, toutes les actions de leurs mourides et de leurs fidèles. Parce que après, les gens commencent à avoir peur de ces hommes-là, et à les craindre comme on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils connaissent qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, qu'ils savent qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, etc. Donc ça les amène à craindre leur chouyouk. Même après leur mort, parfois, ils continuent à les craindre de cette manière en disant, le cheikh, il sait ce que je pense, donc il faut que je fasse attention. Et ça, c'est du shirk, yani. Hein? Mais yani, ils ont une part de responsabilité du fait qu'ils n'ont pas cherché la science, qu'ils sont restés dans l'ignorance, mais aussi, bien entendu, il faut leur enseigner, il faut leur expliquer la religion, tu vois. Après, le cheikh il dit donc qu'il ne mérite aucun des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ça pour réfuter ceux qui exagèrent par rapport aux gens qui ont des karamates. Parce qu'il y a des gens qui les adorent en dehors d'Allah, qui adorent les awliya, qui adorent les salihin. Hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent ceux-là ont des karamates. Donc ça, c'est une excuse ou un prétexte qu'ils utilisent pour les adorer en dehors d'Allah et pour les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah. Ils disent qu'ils ont des miracles ou ils font des prodiges. Et le cheikh, il dit la même chose que font ceux qui adorent les tombes aujourd'hui. Ils se rapprochent des morts et ils croient que même certains vivants, lorsqu'ils ont atteint un certain degré dans la soi-disant dans le soufisme ou dans la religion des soufis, ils pensent qu'après après un certain degré, ils sont capables de leur venir en aide et de les aider ou de les sauver dans des choses que seul Allah est capable de faire. Et donc ils disent, ils se basent sur les karamates et ils disent, ah, ils ont des karamates, donc ça c'est la preuve qu'ils peuvent nous profiter ou qu'ils peuvent nous nuire. Le cheikh il dit, فالمؤلف رحمه الله يرد على هؤلاء وغالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم الغلو في أصحاب الكرامات فنحن نحب الصالحين والذين تجري على أيديهم كرامات نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم ولكن لا نعطيهم شيئا من العبادة كما يفعله الخرافيون. للشيخ الذي donc l'auteur il réfute ces gens-là parce que la majorité de ces gens-là qui adorent les tombes aujourd'hui, il se base sur cette fausse idée, sur cette fausse impression. Hein, ils exagèrent au sujet des hommes morts et des morts qu'ils les adorent en dehors d'Allah. Et ils les adorent en se basant sur le fait qu'ils sont des prodiges et des miracles. Le cheikh dit, nous, on aime les hommes pieux et on les respecte. Hein, et on aime ceux qui font des karamates et qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font des actes de piété, etc. On les aime et on les respecte et on suit leur exemple. Toutefois, on ne leur donne rien de l'adoration, contrairement à ce que font les superstitieux, puis les gens qui suivent les garments, hein, qui adorent d'autres en dehors d'Allah. Le cheikh dit, وَقَوْلُهُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَلَى حَقُّ اللَّهُ وَالْعِبَادَةَ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَحَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادَ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. C'est-à-dire, je ne leur donne rien du droit d'Allah. Et le droit d'Allah, c'est quoi? C'est l'adoration. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est que ses serviteurs l'adorent sans rien associer avec lui, sans associer à Allah des partenaires dans l'adoration. On doit adorer Allah seul. Après le shaykh dit, وَقَوْلُهُ وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ كَإِجْرَاءَ الرِّزْقِ وَشِفَاءَ الْمَرِيضِ وَوَهْبَةِ الْوَلَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. هذا لا يقدر عليه إلا الله، أما ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فيطلب منهم إذا كانوا أحياء، حتى ولو كان لهم، حتى ولو كان ليس لهم كرامات، تطلب من الإنسان، تطلب من الإنسان أن يساعدك بالمال، كأن يكون غنيا، تطلب منه أن يقرض، أن يقرضك، أو يتصدق عليك. وإذا وقعت في كربة تطلب منه أن يساعدك في الخروج منها. وفي الحديث من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فيستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه، كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث موسى عليه السلام، استغاث بموسى عليه السلام الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه من آل فرعون، فوكزه موسى، يعني أغاث هذا الرجل المظلوم كما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها، ويستنجد بهم فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا بأس بها. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيخ قال et je ne leur demande pas quoi que ce soit de ce que seul Allah est capable de faire. Je ne leur demande pas de faire rien de ce que seul Allah peut faire. C'est-à-dire comme par exemple de te donner ta subsistance, ou de te guérir d'une maladie, ou de te donner un enfant. Ça c'est des choses que seul Allah est capable de faire. Ou de te faire entrer au paradis, ou de te pardonner tes péchés. Seul Allah est capable de faire ça, tu n'as pas le droit de le demander à quiconque parmi les créatures, qu'il soit vivant ou mort. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne les choses de la dunya, et si ce sont des choses que quelqu'un est capable de faire dans la dunya, s'il est vivant, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de le demander. Tu demandes à quelqu'un de t'aider dans la dunya, dans des choses que ils sont capables de faire, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Comme quelqu'un, par exemple, tu lui demandes de t'aider avec de l'argent. S'il est riche, tu lui demandes de te prêter ou de te donner une sadaqa. Ou si, par exemple, tu as un malheur qui t'a atteint et tu veux te sortir de ce malheur, donc tu demandes à quelqu'un de t'aider. Quelqu'un qui est vivant, qui est présent, pas quelqu'un qui est mort. Parce que quelqu'un qui est mort, il ne peut rien faire pour toi. Donc, le cheikh il mentionne le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Umar, radiallahu anhu, qui dit « Celui qui aide son frère dans le besoin, Allah va l'aider dans son besoin. Et celui qui soulage son frère d'un malheur, eh bien Allah va le soulager d'un malheur parmi les malheurs du jour de la résurrection ou les difficultés du jour de la résurrection. » Donc toi tu aides quelqu'un parmi tes frères dans la dunya, Allah va t'aider au jour de la résurrection. Donc, le cheikh il dit, on a le droit de demander, d'appeler au secours une créature, parmi les créatures, dans des choses qu'il est capable de faire. Comme Moïse, par exemple, il y a quelqu'un qui l'avait appelé au secours, il était à proximité, et il a demandé à Moïse de venir l'aider contre son ennemi. Alors, ça c'est dans le verset 15, dans Surat Al-Qasas, il dit que celui qui était parmi les gens des fils d'Israël a appelé Moïse au secours contre son ennemi. Et Moïse est venu, Moussa alayhi salam est venu et il l'a aidé. Moussa alayhi salam est venu et il l'a frappé. Il l'a frappé puis il l'a même tué en le frappant. Et donc ça c'est l'exemple que quelqu'un peut venir en aide à quelqu'un qui est dans la difficulté ou quelqu'un qui est opprimé. Tu viens à son aide comme cet homme qui avait demandé de l'aider. Ou bien quelqu'un qui est dans la guerre, par exemple, il y a une guerre, puis toi tu appelles quelqu'un pour dire viens nous aider pour affronter l'ennemi, etc. Donc tout ça c'est des choses qui sont permises. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que tu demandes à quelqu'un qui est vivant et qui est quelqu'un qui est capable, qui est dans la possibilité, dans la capacité de t'aider. Et comme dans le verset 2 de Sourate Al-Ma'ida, Allah dit « Et entraidez-vous mutuellement dans la piété et dans le bien, et ne vous entraidez pas mutuellement dans le péché et dans la transgression. Après le cheikh il dit أما الاستغاثة بالأموات فلا تجوز مطلقا لأن الأموات لا يقدرون على شيء لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره وهم في عالم وأنت في عالم فلا تطلب من الأموات شيئا بحجة أن لهم كرامات وأنهم يقدرون أنهم يقدرون هذا باطل فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أفضل الناس وكذلك الحي لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب منه شفاء المريض أو إعطاء الولد أو جلب الرزق فما يطلب من المخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله Donc, le cheikh il termine en disant que on n'a pas le droit d'appeler au secours les morts. Ça c'est de façon absolue, on n'a pas le droit du tout. Parce que les morts, ils ne sont rien capables de faire. Et le message, ni le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ni les autres, parmi les êtres humains, une fois qu'ils sont morts, c'est fini, ils ne peuvent plus nous aider. Tandis que les soufiens et les bid'a, eux, ils disent, il n'y a pas de différence entre le vivant et le mort, ils peuvent t'aider les deux de la même façon. Et il y en a même parmi les soufiens qui disent que quand tu appelles le mort pour qu'il vienne t'aider, il sort de sa tombe, il vient t'aider, puis il retourne dans sa tombe après. Ça, c'est la aqida des soufiens. Hein? Et donc, ça, c'est l'égarement total. Souvent, comme le cheikh Ibn Taymiyyah a dit, c'est un diable qui sort et qui donne l'impression aux gens que c'est un être humain, que c'est la personne en question. Et il va remplir son besoin, il retourne dans la tombe, les gens pensent que c'est la personne. Ou des fois même, ils entendent des voix dans la tombe et c'est la voix d'un djinn qui parle, et eux ils pensent que c'est la personne réelle qui parle. Ou bien il y a des gens comme ça qui font toutes sortes de trucs comme ça. Subhanallah. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent ça, même, comme je vous disais, même ma propre grand-mère, hein, et ben, elle disait toujours qu'elle voyait des apparitions dans sa chambre, elle voyait Marie. Hein, elle voyait des gens comme ça, elle disait que ça c'était des apparitions, puis c'est des shayatins. Mais attendez, faut pas s'éloigner parce qu'on est à la fin. Donc le chef il dit, eux, les morts, ils sont dans un monde, dans une dimension, et nous on est dans une autre dimension. Même s'ils vivent dans leur dimension, c'est une dimension qui n'a aucun lien avec la nôtre. Okay? Et même s'ils répondent à notre salam quand les anges leur transmettent notre salam, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de faire d'autres choses que ça. Et donc, eux, ils parlent à propos de ces choses-là, ils affirment des choses et ils disent des choses qui dépassent les limites de ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, ils appellent les gens à l'égarement en disant des choses pareilles. Et ils appellent aussi à l'idolâtrie parce que ça amène les gens à adorer les morts par la suite. Donc, le cheikh, il n'a rien, on n'a pas le droit de demander rien aux morts, même s'ils ont des karamas. Hein. Donc ça c'est totalement faux. Et donc le mort, on n'a rien le droit de leur demander, même si ce sont les meilleurs parmi les hommes. Mais et même si c'est quelqu'un qui est vivant, on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit. On n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit de ce que seul Allah est capable de faire, comme de nous donner un enfant, ou de nous donner du risque, ou de nous guérir d'une maladie, des choses de ce genre. Ça c'est seul Allah qui est capable de le faire et on ne peut le demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. فما يطلب المخلوق إلا بشيء يقدر عليه فلا يطلب من المخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله. Donc on n'a pas le droit de demander à quelqu'un de nous donner quelque chose, de faire quelque chose que seul Allah est capable de faire. Ou bien par exemple si quelqu'un par exemple est vivant mais il est dans un autre pays, dans un autre endroit, puis toi tu vas l'appeler comme ça en criant aide-moi parce qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal ici à Montréal, tu es dans la rue, quelqu'un veut t'attaquer avec un couteau ou quoi, puis toi tu cries le nom d'un chef qui est en Afrique ou en Indonésie ou au Pakistan, ça c'est pas quelque chose qui est permis parce que cette personne elle peut pas t'entendre, elle n'est pas dans une distance hein, qui est logiquement possible de, que cette personne t'entende ou te vienne en aide. Et donc, tu n'as pas le droit de lui demander de t'aider dans ces choses-là. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.